Ok. Yeah. Au lieu de stagner, on s'en tirait mieux à tenter nos chances, quitte à en griller deux, se remplir les yeux de bonté. Car comme dirait Dieu, comment croire au miracle sans prier Dieu? Sans prier, je vais esquiver le jeu des extrêmes, vivre simplement et désirer peu. Héritier de lutte qui nous dépasse, de grandes lignes ancestrales, loin de ces routines qui enferment la prendre l'air là où sourire sèche. Les larmes des vies entières à rebâtir, à colmater les plaies d'enfant d'hier, à cogiter une peine et des partants d'hiver. Grandir fier de ce qu'on est, de chaque don et chaque graine semée où chaque germe serait une marque, une empreinte scellée. S'aimer autant qu'on puisse le faire, qu'on se complimente sans complaisance. Les conséquences d'un monde étrange, on s'étend sur d'autres fréquences. Un autre regard, d'autres rêves, sans objection, qui nous les stoppe, réalise et mène à terme cette projection qui nous est propre. C'est nous l'époque, c'est nous le monde. Il tient qu'à nous de le porter. Une toile neutre et uniforme, nos visions dépeignent le portrait. Divergence, émergence, somme de visions différentes. Une addition sans préférence, de vie d'errance et d'espérance. Mille regards qui nous trahissent, miroir de l'âme qui nous habite, abrite l'histoire de nos racines. On est l'espoir qui nous fascine. Divergence, émergence, somme de visions différentes. Une addition sans préférence, de vie d'errance et d'espérance. Mille regards qui nous trahissent, miroir de l'âme qui nous habite, abrite l'histoire de nos racines. On est l'espoir qui nous fascine. Quand la rengaine s'éternise autour d'un même air qui lancine, à bord d'un navire qui s'enlise, donc tous au bord de faire nos valises. Cherchons asile et en quête d'ailleurs, de nouveaux crépuscules au gré des alizés ou d'un automne, ou comme les feuilles, les gens se bousculent. Basculement des consciences, le reste viendra d'un battement de paupières. Au croisement des connaissances, des gestes, des chemins, des rivières. Un seul présent, mais les points de vue différents se comptent en milliards. Ça devient pressant de faire de son mieux, de ne plus détourner le regard. L'air hagard sous les langueurs, est-ce l'air d'une guerre sans vainqueur, de son grimoire, être l'auteur, chaque lettre en éclaire la grandeur, acteur ou spectateur. Faire sa part ou faire la leur, à l'heure où se sème la peur, où l'on s'égare loin du bonheur. En quête d'échappatoire, de nouveaux possibles sans serrure. Red fiche, filon, mic et plume, on s'en approche à chaque mesure. Nul n'est besoin de grands moyens, car à chacun se cache la force. Loin des esprits manichéens, ensemble on renouveau s'amorce. Divergence, émergence, somme de visions différentes, une addition sans préférence, de vie d'errance et d'espérance. Mille regards qui nous trahissent, miroir de l'âme qui nous habite, abrite l'histoire de nos racines. On est l'espoir qui nous fascine. Divergence, émergence, somme de visions différentes, une addition sans préférence, de vie d'errance et d'espérance. Mille regards qui nous trahissent, miroir de l'âme qui nous habite, abrite l'histoire de nos racines. On est l'espoir qui nous fascine. On court trop vite, la vision floue, pas le temps de profit du paysage. Dans l'objectif ces moutons loups et cette masse qui se dévisage. Dis-moi quand l'atterrissage, pourquoi tant revêtir ce masque. Si peu de vrais visages me poussent à voir l'humain comme périssable. Y'a celui qui suit, celui qui fuit, celui qui prie et vise le ciel. Regarde mépris quand on multiplier esprit de peine. Alors on s'arme de vie, on s'aime avec cette flamme qui crie où se dévrit, où ne sait où se placer. Tous les jours on vit nos êtres, le regard éparpillé, sans savoir pour qui prier, sur quoi miser, sans guide se diriger dans le vide, puis mains liées, les yeux teintés de mêmes idées, près d'énergie qui les traîne vite, jamais vidé de cet inspire, sans vision figée, c'est mieux ainsi, apprendre à se contenter de l'essentiel, de l'essence même pour rester entier, estamper, regret, respirer l'instant simple et reste en paix, semer nos rêves loin de la vie de merde que vous nous présentez, plume philo, pour lever le verbe à toutes ces vraies pensées.